Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Emmanuel Bayamaktam et je vais vous raconter l'histoire de Reinette, la petite grenouille qui n'aimait pas se laver les cheveux. Il était une fois une petite grenouille appelée Reinette. C'était la plus jolie petite grenouille du monde, avec sa peau verte, ses grands yeux dorés et ses longs cheveux. Oui, Reinette avait des cheveux, exactement comme les tiens, sauf qu'ils étaient du même vert que sa peau de grenouille, un vert très clair, semblable à celui des feuilles ou de l'herbe. Reinette était gentille, polie et plutôt obéissante pour une petite grenouille. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle était sale. Ou plus exactement, elle détestait se laver. Ce qu'elle aimait le moins, c'était le shampoing, l'eau qui lui coulait dans les yeux et le peigne que sa maman lui passait dans les cheveux pour les démêler. Reinette avait beau pleurer et protester. Aïe, tu me fais mal! Sa maman continuait impitoyablement à tirer sur les longues mèches vertes de Reinette pour défaire tous les nœuds qui s'y étaient formés. Ce matin-là, justement, c'était le jour du shampoing. Et la maman de Reinette avait rempli la baignoire jusqu'à ras-bord, avec de l'eau bien chaude et bien mousseuse. « Reinette, c'est l'heure du bain. Tu viens tout de suite. »« J'ai déjà pris mon bain. »« Tu l'as pris avant-hier. Et aujourd'hui, tu dois te laver les cheveux. »« Hors de question. »« Tes cheveux sont sales. » Mes cheveux sont très bien et en plus je suis allergique à l'eau. Reinette, tu es une grenouille. Les grenouilles adorent l'eau. J'aime l'eau de l'étang, pas celle de la baignoire. Reinette, tu viens tout de suite, pas de discussion. Mais au lieu d'obéir, Reinette se glissa hors de la maison. Et hop, hop, hop, en trois bonds, elle fut sur le petit chemin qui menait à la forêt, hors d'atteinte des cris de sa maman. Il faisait beau. Les papillons volaient, le chemin sentait bon le trèfle et l'aubépine. Hop, hop, hop. Elle arriva très vite devant l'étang, qui était l'endroit au monde qu'elle préférait. L'étang, imagine, une étendue d'eau paisible, tiédie par le soleil, bordée d'arbres et de gros rochers. Reinette adorait cet endroit. Elle y venait souvent pour sauter des rochers, plonger, nager, attraper des araignées d'eau d'un coup de langue. Et oui, c'est ainsi. Les grenouilles n'aiment ni les glaces, ni les gâteaux, et encore moins les frites. Elles préfèrent manger des tas de choses dégoûtantes comme les mouches, les moustiques ou encore les araignées d'eau. Ce jour-là, au bord de l'étang, il y avait quelqu'un. Un crapaud, en fait. Lui aussi était vert, mais d'un vert plus foncé que celui de Reinette. Et lui aussi avait les yeux dorés, de grands yeux frangés de longs cils. Tu te demandes si lui aussi avait des cheveux ? Eh bien oui, il avait une jolie mèche de cheveux blonds, bien peignés, qui retombait sur son front. En le voyant, Reinette sentit son cœur battre très fort. Car les grenouilles ont un cœur comme le nôtre, mais beaucoup plus petit. Boum ! Boum ! Faisait le cœur de Reinette à la vue de ce crapaud inconnu. Comme c'était une grenouille très courageuse, elle refusa de se laisser intimider et elle s'approcha du rocher où le crapaud prenait le soleil. Avant de parler, elle toussota pour s'éclaircir la gorge. Bonjour ! Le petit crapaud inconnu tourna ses beaux yeux vers elle et répondit poliment. Bonjour ! Tu t'appelles comment ? Moi, je suis Reinette. Moi, je suis Raymonda. Un drôle de nom pour un crapaud, se dit Reinette. Mais comme elle était très bien élevée, elle ne se moqua pas de ce drôle de nom. Au lieu de ça, elle continua la conversation. Tu fais quoi ici ? Bah, rien de spécial, tu vois. On est bien, au soleil. Tu ne veux pas nager ? Si, bien sûr, j'adore nager. Tu veux qu'on se baigne ensemble ? Reinette était pleine d'espoir. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un ami au bord de l'étang. Les copines de Renette habitaient toutes de l'autre côté de la forêt, près d'une rivière. Elles ne venaient jamais de ce côté-ci et ne connaissaient pas l'étang avec ses gros rochers pour servir de plongeoir. Raymondin la regarda longuement, l'air un peu gêné. « Tu veux qu'on se baigne ensemble ?»« Ben oui, pourquoi pas ?»« Renette, excuse-moi, tu m'as l'air très gentille hein, et tu es très jolie, mais je n'irai pas me baigner avec toi. » Renette n'en croyait pas ses oreilles. Pour quelle raison Raymondin ne voulait-il pas nager avec elle, dans les eaux tièdes de l'étang ? Son étang à elle en plus. Effectivement, elle était bien gentille de lui proposer cette petite baignade. « Ah bon ? Tu ne veux pas aller nager avec moi ? Mais pourquoi ? » ?»« Excuse-moi, mais tu es trop sale. » Et sans un mot de plus, le joli petit crapaud sauta dans l'étang. Plouf ! Renette resta sur son rocher, stupéfaite. « Quoi ? Avait-elle bien entendu ? Raymondin la trouvait trop sale ? » Elle jeta un coup d'œil rapide à son reflet dans l'eau. Sa jolie peau verte était un peu grise, à cause de la poussière du chemin, et surtout, ses longs cheveux verts formaient une sorte de boule au sommet de sa tête. On aurait dit un nid de souris, ou une toile d'araignée. « Berk ! » Bref, quelque chose de pas très joli à voir. Tu sais quoi ? Soudain, Renette eut honte d'elle. Très honte. Elle serait même devenue rouge de honte si les grenouilles pouvaient rougir. Raymondin nageait dans l'étang, très loin d'elle désormais. Normal, car en plus d'être sale et poussiéreuse, Renette ne sentait pas très bon. Elle s'en aperçut en reniflant discrètement sous sa patte droite. Sa santé... la mouche froide et le ver de terre pas très frais. Berk ! Au secours ! Hop, hop, hop ! Sans plus attendre, Renette fit demi-tour. Direction la maison. Il était urgent de prendre un bain, de se laver, de se récurer même. Quand elle arriva chez elle, sa maman l'attendait sur le pas de la porte, l'air furieux et une bouteille de shampoing à la main. Renette, mais où étais-tu passée ? Ton bain a refroidi. J'arrive, je suis là. Plouf ! Sans plus attendre, Renette sauta dans la baignoire. L'eau était un peu froide, mais tant pis. Au moins, elle sentait bon le bain moussant. Notre petite grenouille attrapa un gant et une savonnette à la lavande. Et puis, elle commença à se frotter de toutes ses forces, histoire de se débarrasser de la poussière et de l'odeur de ver de terre. Sa maman eut l'air très étonnée, et même... un peu inquiète. Mais qu'est-ce qui te prend ? Arrête ! Tu vas t'arracher la peau. Mais non, ça va. Où est le shampoing ? Tiens. Sa maman lui tendit la bouteille de shampoing et Renette s'en versa la moitié sur la tête. Tu en mets trop. Non, non, c'est bon. Tu peux me démêler les cheveux, s'il te plaît ? Mais oui, bien sûr. Ça risque de faire un peu mal, vu les gros nœuds que tu as. Et pendant une demi-heure, la maman de Renette passa les dents du peigne dans les cheveux, très emmêlés de sa fille. D'habitude, Renette pleurait et criait. Mais là, elle ne dit pas un mot. Quand elle fut enfin sortie du bain, elle se sécha consciencieusement. Puis, elle hydrata sa peau verte avec une crème parfumée à la rose. Ensuite, elle attacha ses longs cheveux verts avec un ruban jaune. Sa maman la regardait, sans dire un mot. « Tu me trouves comment ?» demanda Renette. « Très propre. C'est tout ?»« Non, non, très jolie. » Et hop, hop, hop, sans même donner d'explication à sa maman, Renette fila en direction de la forêt et de l'étang. Elle n'avait qu'une crainte que Raymondin soit déjà rentré chez lui. Mais quand elle arriva près de l'étang, que vit-elle ? Raymondin, qui se chauffait, toujours sur une grosse pierre. À la vue de la petite grenouille, il ouvrit de grands yeux étonnés. « Renette ?»« Oui, je suis revenue. » Elle ne précisa pas qu'elle avait pris un bain et qu'elle s'était coiffée. Mais Raymondin s'en aperçut tout de suite. « Oh, tu sens la lavande ? Et un peu la rose aussi. Et tes cheveux? Tu les aimes? Oui, beaucoup. Tu veux qu'on aille nager ensemble? Renette et Raymondin plongèrent ensemble dans les eaux tièdes de l'étang. Ils nagèrent toute la journée. Et Renette n'oublia plus jamais de se laver les cheveux. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Oui.